الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. في كتاب شرح الصفات الثلاث عشر الواجبة لله تعالى للشيخ يقول الشيخ الصفة الثانية القدم. Dans le livre le commentaire des 13 attributs obligatoires pour Allah Ta'ala, l'auteur dit le deuxième attribut al-qidam. قال القدم معناه الأزلية فإذا قيل الله قديم معناه الابتداء لوجوده. Donc, القدم signifie exemption de début. Quand on dit à propos de Allah qu'il est القديم, cela veut dire qu'il n'a pas de début à son existence. لم يسبقه عدم أي لم يزل موجودا. Il n'a pas été précédé de néant, c'est-à-dire qu'il est et il existe de toute éternité. هذا في حق الله. Donc, quand on dit أزلي قديم au sujet de Allah, c'est ça le sens. أي بهذا المعنى نقول الله تعالى قديم. C'est-à-dire dans ce sens-là que nous disons que Allah il est قديم. أما في حق غيره. إذا قيل قديم فمعناه مضى عليه زمان طويل. Mais pour autre que Allah, quand on dit d'une chose qu'elle est قديم, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vieille, c'est-à-dire qui a subi le temps. Une chose qui est ancienne. وليس معنى الله قديم الله تبارك وتعالى مضى عليه منذ وجد كذا وكذا من السنين. Quand nous disons qu'Allah il est qadim, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala a tel nombre d'années depuis son existence. المخلوق يؤرخ في هذا الوجه. يقال الأرض منذ سنة كذا وكذا وجدت. والسماوات منذ كذا وكذا. والعرش لم يكن موجودا ثم وجد. والماء لم يكن موجودا ثم وجد وهكذا سائر المخلوقات من النباتات والحيوانات والأفلاك وجدت بعد أن كانت غير موجودة هذا معنى القديم من المخلوقات. Concernant les créatures, on dit que les créatures ont tel nombre d'années. On dit par exemple la terre a tel nombre d'années depuis qu'elle a existé. Les cieux ont tel nombre d'années depuis leur existence. Le trône n'existait pas, puis a existé. L'eau n'existait pas, puis a existé. Et il en est de même pour le reste des créatures, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les étoiles. Tout cela existe après n'avoir pas existé. C'est ça le sens de Qadim à propos des créatures. فَإِذَا قُلْنَا عن المخلوقات هذا قديم وهذا قديم معناه أنه مضى عليه زمن طويل بمعنى صار له منذ وجد زمن طويل. Quand nous disons au propos des créatures telle chose est قديم, c'est-à-dire pour la créature ça devient ancien, et que telle chose est قديم, c'est-à-dire ancienne, cela veut dire que il s'est écoulé un temps très long depuis que cette chose a existé. كذلك كلمة الأزلي. فالله تعالى هو الأزلي بهذا المعنى أي لا ابتداء لوجوده. Fala azaliya illa Allah. Il en est de même pour le mot azali. Dans ce sens-là, Allah n'a pas de début à son existence. Et seul Allah est azali dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début à son existence. Wa amma al-azaliyu bima'na qidam al-'ahdi wa al-zamani فيوصف به المخلوق لغة وعلى لسان حملة العلم. Concernant le mot azali, dans le sens d'ancien, quelque chose qui a subi le temps, c'est un mot qui désigne la créature selon la langue, également selon les spécialistes de la science de la religion. Ils disent aussi de quelque chose azali que c'est quelque chose d'ancien. أما لغة فقد قال الفيروز أبادي صاحب القاموس في مادة هراميم الهرمان بناءان أزليان بمصر. Donc la preuve, donc le cheikh étaye ce qu'il dit par des exemples et des preuves. Concernant la langue, il cite un spécialiste de la langue, c'est le savant Al-Fayrouz Abadi, qui est l'auteur d'un livre Al-Qamus, une sorte de dictionnaire référence dans la langue arabe. Dans la matière ou dans le chapitre Haramim, Haram, qui veut dire pyramide, il a dit les deux pyramides sont deux constructions azali en Égypte. Donc il a utilisé le mot azali pour dire ancien. Fallahu tabaraka wa ta'ala huwa al-qadimu huwa al-azaliyu. بمعنى لا ابتداء لوجوده وما سواه لا يقال عنه قديم ولا أزلي بهذا المعنى إلا بالمعنى الثاني وهو تقادم العهد وطول الزمن. Donc on dit de Allah tabaraka wa ta'ala qu'il est qadim, qu'il est azali, en français exempt de début, dans le sens qu'il n'a pas de début à son existence. Et tout autre que Allah, on ne dit pas de lui qu'il est qadim, ni azali, dans ce sens-là. Mais on peut dire de tout autre que Allah, qadim et azali, dans le deuxième sens du terme, c'est-à-dire ancien, c'est-à-dire quelque chose qui a subi le temps. قال الشيخ رحمه الله ولم يرد في القرآن إطلاق القديم على الله بهذا اللفظ. لكن ورد معناه. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il n'y a pas eu dans le Coran la mention du mot al-qadim au sujet de Allah, exactement avec ce terme-là, al-qadim. Mais il y a eu ce qui indique le sens. قال الله تعالى هو الأول لأنه لا يجوز تفسيره بقدم العهد لأن قدم العهد صفة من صفات المخلوقات والله تعالى كان قبل الزمان فلا يوصف بقدم الزمان. Mais il y a eu dans le Coran la parole de Allah هو الأول. الأول ici, il n'est pas possible de l'expliquer par ancien, c'est-à-dire quelque chose qui a subi le temps, parce que l'ancienneté dans le temps, c'est une caractéristique des créatures. Et Allah Ta'ala, il existe avant le temps. Il n'est donc pas qualifié par l'ancienneté. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْقَمَرِ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فَالْعُرْجُونُ هُوَ عِذْقُ النَّخْلِ وَهُوَ شَيْءٌ فِي أَعْلَى النَّخْلِ فإنه إذا مضى عليه زمان ييبس فيتقوس فالقمر في آخره يصير بهيئة ذلك فهنا القديم جاء بمعنى الشيء الذي مضى عليه زمان طويل. Quant à la parole de Allah à propos de la lune, حتى عاد كالعرجون القديم dans sourate Yasin, jusqu'à ce qu'il soit devenu comme العرجون, ancien, Al-Qadim. Al-Urjoun, c'est la branche qu'on trouve en haut du palmier, qui, lorsque, avec le temps, elle devient arquée, comme un croissant. Et c'est cette forme-là qu'a la lune à la fin du mois. Donc ici, Al-Qadim, c'est dans le sens de quelque chose qui a subi le temps. قال الشيخ رحمه الله قال أهل الحق الموجودات ثلاثة أقسام. Le Cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: les gens de la vérité ont dit: les choses qui existent sont de trois catégories. Les choses qui existent sont de trois catégories. قال القسم الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى وصفاته فقط وصفاته كلها أزلية بأزلية الذات. Première catégorie, ce qui était exempt de début et qui est exempt de fin. Il s'agit de Allah Ta'ala et de ses attributs uniquement. Tous les attributs de Allah sont exempts de début du fait que son être est exempt de début. قال ولما ثبتت الأزلية لذات الله تعالى ثبتت الأزلية لصفاته. Donc comme l'exemption de début est confirmée, authentifiée, s'agissant de l'être de Allah, l'exemption de début est également confirmée et pour les attributs de Allah. وورد في غير هذا اللفظ الدلالة على أزلية الله تعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما ونحو ذلك ومعناه إنه غفور رحيم في الأزل. Il est parvenu dans plus d'un passage du Coran la preuve que Allah Ta'ala est exempt de début. Donc comme la parole de Allah wa kana Allahu ghafura rahima, c'est-à-dire que Allah est de toute éternité celui qui pardonne et celui qui est miséricordieux. أي أن مغفرته ورحمته أزليتان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. C'est-à-dire que le pardon de Allah et la miséricorde de Allah sont de toute éternité. Tout comme l'a dit Ibn Abbas, qu'Allah l'agréé lui et son père. فلا يتوهم أن معناه لم يكن كذلك ثم كان لأن التحول والحدوث على الله محال. Que l'on ne se donne pas l'illusion que le sens ici est que Allah n'était pas ainsi puis qu'il l'est devenu. Parce que le changement et l'entrée en existence sont impossibles au sujet de Allah. روى البخاري في صحيحه عن سعد بن جبير رضي الله عنه أنه قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي فسأله عن مسائل ومنها قوله تعالى قال تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس وكان الله غفورا سمى نفسه بذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك أي أنه غفور رحيم في الأزل وما زال غفورا رحيما فله الحمد ربنا إنه واسع المغفرة. البخاري a rapporté dans son صحيح d'après سعد بن جبير que Allah l'agré qu'il a dit: un homme est venu voir Ibn Abbas, qu'Allah l'agré lui et son père, il lui a dit: je trouve qu'il y a des choses qui sont différentes dans le Coran, qui sont, pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Il lui a posé des questions. Et entre autres, il lui a interrogé à propos de la parole de Allah dans Sourate An-Nisa, « وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » Et dans Sourate An-Nisa, وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا Et dans Sourate An-Nisa, وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Il a dit, c'est comme si il l'était et qu'il ne l'est plus. Alors Ibn Abbas lui a répondu, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا Allah nous a appris que c'est son nom. Il est Ghafour. C'est-à-dire que il est Ghafour de toute éternité. C'est-à-dire que Allah, il est Ghafour, il est celui qui pardonne, il est Rahim, celui qui fait miséricorde de toute éternité. Et il l'est toujours, il ne change pas. Il est toujours celui qui pardonne et celui qui fait miséricorde. La louange est à notre Seigneur, certes, il est celui qui accorde beaucoup de pardon. Donc il l'a répondu, il lui a répondu. Et ça, c'est rapporté par qui ? Par Al-Bukhari. كَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وكان الله هذه للأزلية أي لم يزل موجودا ليس بمعنى حدث المعنى أن الله تعالى لم يتصف بصفة العلم والحكمة بعد أن لم يكن كذلك لا هو لم يزل كذلك قبل أن يحدث الخلق هو كان عليما حكيما وبعد أن خلق الخلق لا يزال متصفا بذلك. Le shaykh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il en est de même pour le verset 17 dans sourate An-Nisa, « وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا » « كَانَ » ici, c'est pour dire « de toute éternité ». Il est de toute éternité. C'est-à-dire que de toute éternité, il existe. Ce n'est pas dans le sens qu'il est entré en existence. Le sens ici est que Allah, de toute éternité, il a l'attribut de la science et de la sagesse. Et ça ne veut pas dire qu'il les a eus après ne les avoir pas eus. Non. Il est de toute éternité ainsi. Avant que les créatures n'entrent en existence, avant qu'il ne crée les créatures, Allah est de toute éternité Alim et Hakim. Il est celui qui sait et qui crée toutes choses selon une sagesse. Et après la création des créatures, il a toujours ses attributs. Il ne change pas. قَالَ وَلَيْسَ معنى وكان الله عليما حكيما كان ثم انتهى. Donc le verset ici, ça ne veut pas dire que Allah, il était alim, hakim, et puis c'est fini. Il ne l'est plus. كما يقال كان زيد قائما ثم جلس أو اضطجع. Ce n'est pas comme quand tu dis كان un tel debout puis il s'est assis ou bien il s'est allongé. ليس على هذا المعنى. Ce n'est pas dans ce sens-là. إنما معناه الثبوت والدوام بالابتداء. Mais cela veut dire que Allah est de toute éternité ainsi et il ne change pas. Et c'est exempt du début. أي كان الله تعالى متصفا بذلك في الأزل ولا يزال متصفا بذلك. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a ses attributs de toute éternité et il ne change pas, il les a toujours. لأن الله تبارك وتعالى لما كان واجب الوجود أي أزلي الوجود أي وجوده لا ابتداء له وجب أن يكون وجوده بلا انتهاء وكذلك جميع صفاته. Puisque Allah Ta'ala, comme son existence est obligatoire selon la raison, c'est-à-dire que son existence n'a pas de début, il est obligatoire que son existence n'est pas de fin. Il en est de même pour tous les attributs de Allah. فَالْأَزَلِيَّةُ فِي الْقُرْآنِ لَوْ لَمْ يَرِدْ نَصُّهَا لَكِنَّ مَعْنَاهَا ثَابِتٌ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. Donc l'azaliyah, l'exemption du début, même si ce terme n'a pas été cité explicitement au sujet de Allah dans le Coran, mais le sens de ce terme est confirmé dans plus d'un passage du Coran. Au fil hadith al-sahih, hadith al-Bukhari, الذي سبق ذكره, كان الله ولم يكن شيء غيره. فقوله صلى الله عليه وسلم, كان الله أي لم يزل موجودا في الأزل, ليس معه غيره, فهي هنا للأزلية, كان هنا للأزلية. Ainsi dans le hadith authentique, le hadith al-Bukhari précédemment cité, كان الله ولم يكن شيء غيره. Allah est de toute éternité, rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Ainsi la parole du prophète عليه الصلاة والسلام كان الله, c'est-à-dire que il existe de toute éternité. rien d'autre que lui n'est né de toute éternité. Donc kana ici, c'est pour indiquer de toute éternité. فَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَمَنْ اِدَّعَ الْأَزَلِيَّةَ لِشَيْءٍ غَيْرِ اللَّهِ فَقَالَ مَثَلًا الْعَالَمُ أَزَلِيٌّ بِنَوْعِهِ أي بِجِنْسِهِ أو أَشْخَاصِهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَمَنْ قَالَ الْعَالَمُ أَزَلِيٌّ بِجِنْسِهِ لَا بِأَفْرَادِهِ الْمُعَيَّنَةِ فَإِنَّهَا مَخْلُوقَةٌ حَادِثَةٌ فَهُوَ كَافِرٌ أَيْضًا وَهُوَ رَأْيُ الْفَلَاسِفَةِ الْمُحْدَثِينَ وَرَأْيِ ابْنِ تَيْمِيَةَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Une fois ceci connu, celui qui prétend l'exemption de début pour une chose d'autre que Allah, il dit que le monde est de toute éternité par son genre et par sa composition, c'est-à-dire les personnes qui le composent. Celui qui dit cela, il est mécréant. Et celui qui dit que ce monde est de toute éternité par son genre, mais pas par les individus qui le composent, les individus particuliers, qui eux sont créés, entrés en existence. C'est un mécréant également. Et c'est l'avis des philosophes les plus récents et l'avis de Ibn Taymiyyah, que Dieu nous préserve de pareilles mécréances. هذا الكلام الفاسد لابن تيمية قاله في كتبه الموافقة الجزء الثاني صفحة 75 والجزء الأول صفحة 245 و64 وفي كتاب المنهاج الجزء الأول صفحة 83 و224 و109 وفي كتاب نقد مراتب الإجماع صفحة 168 وفي كتاب شرح حديث عمران بن حسين صفحة 193 وفي كتاب مجموع الفتاوي الجزء 18 صفحة 239 وفي كتاب مجموعة التفسير صفحة 12 و13. Donc il a dit, c'était ses paroles de mécréance, Ibn Taymiyyah, dans plusieurs de ses ouvrages. Ibn Taymiyyah قال بأن نوع العالم أزلي قديم أي لم يزل مخلوق مع الله كما أن الله لم يزل موجودا. Ibn Taymiyyah, il a prétendu que le genre de ce monde est de toute éternité, il est exempt du début. C'est-à-dire qu'il existe de toute éternité, tout comme Allah. Tout comme Allah, il est de toute éternité. معنى ذلك أنه لم يزل مع الله مخلوق فيما مضى إلى غير انتهاء وهذا كفر صليح كما قال الزركشي في كتابه تشنيف المسامع. Cela veut dire, selon l'explication de la parole d'Ibn Taymiyyah, est que ce monde est déjà créé de toute éternité et qui n'a pas de fin. Et ceci est une mécréance qui est explicite. Tout comme l'a dit Al-Zarkashi dans son livre Tashnif al-Masami'. قال Al-Zarkashi وهذا العالم بجملته ما معنى العالم؟ العالم هو كل ما سوى الله. قال وهذا العالم بجملته علويه علويه وسفليه وجواهره وأعراضه محدث بمادته وصورته كان عدما فصار موجودا وعليه إجماع أهل الملل ولم يخالف إلا الفلاسفة ومنهم الفارابي وابن سينا قالوا إنه قديم بمادته وصورته وقيل قديم المادة محدث الصورة ثم قال وضللهم المسلمون وكفروهم انتهى. Ainsi الزركشي dans son livre تشنيف المسامع a dit: ce monde dans sa totalité, cet univers dans sa totalité, l'univers c'est tout autre que Dieu. Que ce soit la partie céleste ou la partie terrestre, ou que ce soit les substances ou les caractéristiques des substances, tout cela est entré en existence par sa manière et par sa matière et par sa composition. Cet univers n'existait pas, puis a existé. Et c'est l'unanimité de toutes les religions. Seuls les philosophes, parmi lesquels Al-Farabi et Ibn Sina, ont contredit. Ils ont dit que cet univers n'a pas de début par sa matière et par ses individus. Et certains ont dit qu'il n'a pas de début par sa matière, mais sa composition entre en existence. ثم قال الزركشي وضللهم المسلمون وكفروهم. Et الزركشي a dit: les musulmans les ont déclarés mécréants, ils les ont déclarés égarés. وَيَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ. Qu'est-ce que veut dire la parole de Zarkashi? C'est que c'est de la mécréance, selon l'unanimité des savants de l'islam. Ibn Taymiyyah tabi'a al-muhdathin min al-falasifa. Ibn Taymiyyah n'a fait que suivre les groupes récents des philosophes. قال رحمه الله القسم الثاني من الموجود أبدي لا أزلي. L'auteur a dit la deuxième catégorie de ce qui existe, c'est ce qui n'a pas de fin mais qui a un début. أي أن له بداية ولا نهاية له. يعني القسم الثاني من الموجود له بداية ولا نهاية له. شفنا الجزء الأول قلنا لا بداية لوجوده ولا نهاية. شكون؟ الله وصفاته. الله لا بداية لوجوده ولا نهاية. القسم الثاني من موجود له بداية وما عندوش نهاية. له بداية وليس له نهاية. Donc la deuxième catégorie c'est ce qui a un début et qui n'a pas de fin. Donc la première catégorie on a vu c'est ce qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Il s'agit de Allah et de ses attributs. La deuxième catégorie, c'est ce qui a un début mais qui n'a pas de fin. قَالَ وَهُوَ الْجَنَّةُ وَالْنَارِ. Il a dit, il s'agit du paradis et de l'enfer. أي أن له بداية ولا نهاية له فهما مخلوقتان أي لهما بداية إلا أنه لا نهاية لهما أي أبديتان فلا يطرأ عليهما خراب أو فناء لمشيئة الله بقاءهما. Donc le paradis et l'enfer sont créés, c'est-à-dire ils ont un début, sauf qu'ils n'ont pas de fin. C'est-à-dire qu'ils sont exempts de fin, il ne leur survient pas d'anéantissement, parce que Allah a voulu qu'il n'ait pas de fin. أَمَّا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُمَا فَيَجُوزُ عَلَيْهِمَا الْفَنَاءُ عَقْلًا. Mais du point de vue de leur réalité, l'anéantissement leur est possible selon la raison. لكن الله أخبرنا أن الجنة والنار لا نهاية لهما فصار مستحيل عليهما أن يكون لهما نهاية. قال ويلحق بهما ما في الجنة من الحور والولدان وأشياء أخرى على ما قال بعض أهل العلم. Donc comme le paradis et l'enfer, certains gens de science ont dit qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas de fin, comme les femmes du paradis, comme les serviteurs du paradis et d'autres choses selon ce qu'ont dit certains savants. قال رحمه الله القسم الثالث لا أزلي ولا أبدي. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la troisième catégorie c'est ce qui n'est pas exempt de début et qui n'est pas exempt de fin. أي أن له بداية وله نهاية. Il s'agit de ce qui a un début et de ce qui a une fin. وهو ما سوى الجنة والنار من المخلوقات ويلحق بهما ما في الجنة من الحور والولدان وأشياء أخرى على ما قال بعض أهل العلم. لا هذه tout autre que le paradis et l'enfer parmi les créatures. Tout autre que le paradis et l'enfer parmi les créatures. Et certains savants ont dit que, autre que ce qu'il y a au paradis et l'enfer, comme les femmes du paradis, les serviteurs du paradis et d'autres choses. لأن هؤلاء على قول بعض أهل العلم كذلك من القسم الثاني. من القسم الثاني. يعني القسم الثالث كل المخلوقات سوى القسم الثاني. Donc dans la troisième catégorie, ce sont toutes les créatures hormis la deuxième catégorie. La deuxième catégorie, on a dit c'est quoi? C'est ce qui a un début et qui n'a pas de fin. Mais ce sont des créatures. La troisième catégorie, c'est tout le reste des créatures hormis les créatures qui appartiennent à la deuxième catégorie, qui ont un début et qui n'ont pas de fin. وهو كل ما في هذه الدنيا من السماوات السبع والأرض. Donc il s'agit de quoi? La troisième catégorie, c'est tout ce qu'il y a dans ce bas monde, comme cieux, les sept cieux et ce qu'il y a sur terre. فلا بد من فنائهما. وفناء ما فيهما من إنس وجن وملائكة. Indispensablement, les cieux, les sept cieux, la terre, tout cela va être anéanti. Et tout ce que cela comporte comme humain, djinn et ange aussi sera anéanti. كذلك الشمس والقمر والنجوم والنور والظلمات أي نور الشمس والقمر والكواكب هذه الأشياء لا هي أزلية ولا هي أبدية. Il en est de même pour le soleil, la lune, les étoiles, la lumière, l'obscurité, c'est-à-dire la lumière de la lune, du soleil, de la lune et des étoiles. Ce sont des choses qui ne sont pas exemptes de fin. Et ce ne sont pas des choses qui sont exemptes de début. لأن البشر يفنون والجن يفنون والملائكة كذلك يفنون وهذه الأرض تفنى الله تعالى يبدلها يوم القيامة يبدلها غيرها parce que les humains seront anéantis, les djinns seront anéantis, les anges seront anéantis et cette terre aussi sera anéantie. Allah l'anéantit, il la change au jour du jugement. وعن ذلك قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي أن الأرض يبدل غيرها والسماوات يبدل غيرها. C'est à ce sujet que Allah تعالى nous apprend qu'au jour du jugement la terre sera changée et les cieux seront changés. الأرض تدك يوم القيامة والسماوات السبع يفنيها الله تعالى. La terre sera aplatie au jour du jugement. Et les sept cieux, Allah les anéantit. وَالشَّمْسُ يَطْمِسُ نُورَهَا بَعْدَمَا يَقْضِي بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَحْكُمُ عَلَى هَؤُلَاءِ بِالنَّارِ وَعَلَى هَؤُلَاءِ بِالْجَنَّةِ تُطْمَسُ الشَّمْسُ أَنْ يَذْهَبُ اللَّهُ يُذْهِبُ اللَّهُ ضَوْءَهَا وَيَرْمِيهَا فِي جَهَنَّمَ حَتَّى تَزِيدَ الْكُفَّارَ عَذَابًا حَتَّى تَكُونَ زِيَادَةً فِي وَقُودِ جَهَنَّمَ. Le soleil aussi, sa lumière, va être éteinte après que Allah juge entre les esclaves et que certains ils jugent qu'ils iront en enfer et d'autres iront au paradis. La lumière du soleil sera éteinte, c'est-à-dire qu'Allah fait disparaître sa lumière et Allah fait qu'elle soit jetée en enfer afin qu'elle augmente les mécréants en châtiment. Pour qu'elle soit un combustible supplémentaire en enfer. كذلك القمر يطمس الله نوره ويرمى في جهنم زيادة في وقود جهنم. Le soleil également, sa lumière sera éteinte. Allah Ta'ala fait disparaître la lumière de la lune et la lune sera à son tour jetée en enfer pour augmenter le combustible de l'enfer. هما الشمس والقمر لا ذنب لهما. Le soleil et la lune n'ont pas de péché. Le soleil et la lune ont été adorés dans ce bas monde. Al-kuffar wa abadathuma. Ce sont les mécréants qui les ont adorés. Yujadu man ya'budu ash-shamsa ila yawmina hadha. Wa yujadu man ya'budu al-qamara ila yawmina hadha. Il y a des gens qui adorent le soleil jusqu'à nos jours. Il y a des gens qui adorent la lune jusqu'à nos jours. إهانة لمن كان يعبدهما يرميان في جهنم. Pour humilier ceux qui les adoraient, le soleil et la lune seront jetés en enfer. فهذه الأرض وهذه السماوات والشمس والقمر والكواكب كل هؤلاء وما على هذه الأرض من إنس وجن وبهائم وحشرات كل ذلك مما كتب الله عليه الفناء. وهذا معنى قول الله تعالى كل من عليها فان. عليها الضمير إلى الأرض أي على كل من على الأرض فان. Donc cette terre, ces cieux, le soleil, la lune, les planètes, tout cela et tout ce qui est sur terre comme humains, djinns, animaux, insectes, tout cela fait partie de ceux pour lesquels Allah a prédestiné l'anéantissement. Et c'est cela le sens du verset « Kullu man alayha fan ». Tout ce qui est dessus sera anéanti. Dessus, ici, ça se rapporte à la terre. C'est-à-dire tout ce qui est sur terre sera anéanti. Dessus, c'est-à-dire même dans les sous-sols comme animaux, etc. وأما أزلي لا أبدي فهذا مستحيل. Mais quelque chose qui soit exempt de début, mais qui ait une fin, ceci est impossible. Il est impossible qu'un être soit exempt de début et qu'il ait une fin. القسم الرابع مستحيل وهو أزلي لا أبدي. هذا مستحيل. الأزلي لا يكون إلا أبديا. فالله تعالى أزلي أبدي بصفاته، أي أن صفاته أيضا أزلية أبدية. Donc la quatrième catégorie est impossible, c'est-à-dire exempt de début, mais ayant une fin. Ceci est impossible. Ce qui est exempt de début ne peut être qu'exempt de fin. Allah Ta'ala est exempt du début, il est exempt de fin par ses attributs. C'est-à-dire que ses attributs également sont exempts de début, exempts de fin. من شرح شيخنا في كتاب شرح الصفات الثلاث عشر. Ceci est une partie de, du commentaire que notre cheikh, que Allah lui fasse miséricorde, Cheikh Abdullah, a donné pour l'explication des 13 attributs. فائدة قال الشيخ رحمه الله إحياء علم أهل السنة واجب على المسلمين بكل وسعهم في هذا الزمن الذي كثر فيه أعداء أهل السنة. Information utile, notre cher, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: revivifier la science de Ahl Sunnah, c'est un devoir pour les musulmans. Un devoir qu'ils doivent faire de toutes leurs forces, avec tous leurs moyens, tout ce dont ils sont capables. Dans cette époque dans laquelle les ennemis de Ahl Sunnah sont devenus nombreux. في هذا الوقت يزداد مزيد تأكد. À notre époque, cette obligation est encore plus importante. فمن لم يفعل فقد عرض نفسه لعذاب الله. Celui qui ne le fait pas, il se sera exposé pour, au châtiment de Dieu. فالإنسان يتعلم ويعلم. يتعلم ويعلم ما تعلم لا يقول أنا ما أنهيت لابد أن أزيد تعلم زد لكن علم. Donc la personne doit apprendre et diffuser. C'est ça, revivifier la science de la sunna. La personne ne dit pas moi je n'ai pas appris, moi je suis faible en arabe, moi je suis faible en français, moi je suis faible en anglais. Tu apprends et tu diffuses ce que tu as appris. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم.